Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Deux Branques Sinon Rien. Alors oui, vous allez me dire, premier épisode, tu te fous de notre gueule, t'en es déjà à 5 ou 6. Oui alors, attends, que je m'explique. D'habitude, c'était un certain nombre de films sinon rien, parce qu'on a changé toutes les semaines. Mais maintenant, en plus, vous nous retrouverez sur notre propre flux indépendant, en plus de la Gazette. Et pour ce flux indépendant, on voulait quand même un titre qui soit à peu près honnête. Et c'est vrai qu'un certain nombre de films sinon rien, c'est honnête, mais c'est un peu long. Donc on s'est dit, Deux Branques Sinon Rien, c'est pas mal. Donc, c'est un nouvel épisode de un certain nombre de films sinon rien, mais c'est bel et bien le premier de Deux Branques Sinon Rien. Bref, de toute façon, vous inquiétez pas, on va continuer à parler ciné avec le corbeau, et ce sera comme avant. Sauf que ce sera en plus sur notre propre flux indépendant. Bref, cette semaine, on s'est concocté un petit menu super-héros et nostalgie facile, et on va commencer par de la nostalgie facile, pardon, excusez-moi, je m'y perds dans mes notes, et je vais donc vous parler au départ de The Fall Guy, qui est sorti récemment, puis de SOS Fantôme, La Menace de Glace, sorti récemment également. Puis le Corbeau sortira Deadpool de sa naphtaline pour vous parler de Deadpool vs Wolverine, qui est aussi un film récent, décidément, il y a une thématique. Et je finirai par le dessert avec l'extrêmement autre, le retour de la créature du lagon, histoire de continuer de parler de super-héros un peu méconnus. Allez, commençons avec The Fall Guy, donc le nouveau film du réalisateur de l'imbuvable Bullet Train. Ça sent pas du tout le film creux et faussement cool. Inspiré d'une vieille série que tout le monde avait oubliée depuis près de 30 ans, mais que j'aimais bien, son nouveau forfait pelliculé a toujours ce côté clinquant et tape à l'œil qui peine à cacher sa vacuité. Mais le côté méta qui se la raconte sans raison dans Bullet Train trouve ici une justification honnête. On est dans un film dans le film, donc c'est logique que ce soit un petit peu méta. C'est toujours lourd, mais c'est justifié. Le duo Ryan Gosling et Emily Blunt fonctionne bien, même si le côté trop cool et détaché des personnages est toujours complètement imbitable, et on touche là ce qui rend les films de David Leitch insupportables à mes yeux. Il force tout et ne sait pas écrire de personnages. Un petit exemple. Les running gags sont d'une lourdeur incroyable. La licorne que voit le héros, c'est amusant sur quelques plans, mais pendant 20 minutes, ça me les brise. Tout autant que le chien mordeur de boules d'ailleurs. Le combat sous drogue, c'est fun visuellement, mais c'est aussi creux qu'inconsistant et c'est symptomatique de ce cinéma. Plaisant à l'œil, à peu près divertissant, mais incroyablement superficiel. C'est d'ailleurs à l'image du scénario totalement décousu et alambiqué pour rien. La seule chose subtile ici, c'est l'histoire du film dans le film. Et encore, j'arrive pas à savoir si ça se fout de la gueule de Dune ou si c'est un putain de hasard. Même la sympathique chanson de Kiss a fini par me vriller les nerfs à force de l'entendre mécaniquement toutes les 10 minutes. Ce film, c'est littéralement deux jolies heures de creux. Vous allez me dire, Nostal, t'es vraiment un râleur, y'a le corbeau qui déteint sur toi. Alors, en toute candeur, je me suis dit, tiens, je vais me lancer SOS Fantôme, La Menace de Glace, après tout. J'avais pas été enthousiaste par rapport au précédent, et j'ai été agréablement surpris. Alors, autant j'étais chaud pour celui-là, vous l'avez la blague, et bah j'ai été refroidi. C'est encore une blague. Alors oui, je vais abuser de ce genre de blague, hein. Excusez-moi, ça va être très lourd. Pour être tout à fait franc, je trouve que ce film est tiède et se contente très vite de ronronner gentiment jusqu'au dénouement, tout en flattant de ci de là les anciens fans de la franchise et les plus jeunes. Les deux équipes travaillant en collaboration, mais finalement assez peu ensemble. L'accumulation de clins d'œil aux anciens films finit par lasser, même moi. Et au final, je comparais ce film à SOS Fantôme 2. C'est un épisode mis en route rapidement après le succès du précédent, et qui tente de nous raconter une nouvelle mythologie. C'est moins catastrophique que le 2016, et son grand méchant absolument pathétique de bout en bout, mais c'est quand même poussif. Le film peine à mettre en place et intégrer cette mythologie dans le New York moderne, malgré une scène d'introduction très réussie. Il est probablement trop occupé à recycler son cahier des charges malheureusement. Il y a pourtant de bonnes idées, à peine exploitées, mais il y en a. Comme ce fantôme qui discute, en faisant un peu plus que des antagonistes bêtes et méchants. ou encore comme cette population de maîtres du feu, ou encore le design du méchant et l'esthétisme général de cette menace glacée. Au final, c'est pas déplaisant, c'est juste un peu fade. Ça manque de cœur et d'un Jack Frost bien vénère. Vous connaissez tous ma passion pour Jack Frost. Bon, bah en fait, non, j'ai pas été convaincu par celui-là non plus. La nostalgie facile, en général, au cinéma, ça prend pas, hein. Faut le reconnaître. Bon, maintenant, laissons le corbeau vous parler de Deadpool et Wolverine, et je sais pas pourquoi, je sens qu'il a pas aimé et qu'il va râler. Notre ami Deadpool vit désormais une vie banale de vendeur de voitures, et a été quitté par sa copine. Malheureusement pour lui, le TVA, l'autorité de la variation temporelle, qui surveille le multivers, lui apprend que son monde va disparaître, car Logan y était indispensable et celui-ci est désormais mort. Deadpool va alors se mettre en quête d'un autre Logan dans le multivers pour le remplacer. Oula, sortir Deadpool de la naphtaline et Wolverine de la tombe, ce n'était pas une idée fameuse. Je dirais même plus, une belle idée de merde. Alors à moins d'avoir 15 ans, ou d'être un quadra qui vit toujours chez ses parents, avec sa collection de Strange de 1970 à 1998, ça va être compliqué de saisir toutes les subtilités ou clins d'œil. D'ailleurs ce film, ce n'est que ça. 130 minutes de clignement d'yeux, appuyé. Le tout souligné par des dialogues, histoire de savoir que c'est censé être drôle. Violence graphique, langage ordurier, blague pipi caca, le scénario tient uniquement sur ça. Très laid visuellement alors qu'il a coûté 200 patates, sans aucune inventivité, il pourrait s'appeler fanservice le film. Pas un instant d'émotion, rien. Ben oui, Logan était mort et pouf, par le pouvoir du multivers, des billets verts et du cynisme des studios, il revient. Un petit aparté, le multivers est la pire invention cinématographique du monde. Ben oui, un héros meurt, tu vas le rechercher dans un autre monde, et fini, problème résolu. Tu tues toute fin possible pour un héros. En même temps, les renaissances miracles, c'est un peu la marque de Marvel Comics. Alors vous allez me dire, oui, t'es jamais content, c'est pas faux. Mais attention, je divulgâche, j'ai quand même eu le plaisir de revoir Wesley Snipes en Blade. Et pour les onanistes, fans de comics, vous aurez Gambit, les variantes de Wolverine, et un joli costume jaune. Vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher, c'est de la merde. Ah, et sinon, pour vous montrer l'édifice branlant qu'est ce film, vous savez pourquoi le Logan qu'il trouve est le pire du multivers? Parce que par sa faute, tous les X-Men sont morts. Et comment sont-ils morts? Tué par une sentinelle et il n'a rien pu faire? Non, il est sorti, s'est bourré la gueule et en revenant, plus de X-Men. Et à cause de ça, tout son univers le méprise? Si c'est pas une excuse toute moisie. Voilà, ni fait ni affaire, encore un exemple d'un film qui sort parce qu'ils savent que des millions de cons vont aller le voir. C'est moi qui devrais aller dans le passé pour coller un pic à glace dans la nuque de Stan Lee. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il râle encore. Bon, alors on essaye de remonter le niveau avec un petit film de super-héros? Allez, on va se faire plaisir et on va parler du retour de la créature du lagon. Et en vérité, ici, il est plutôt question de la créature du marais. Swamp Thing, le personnage écolo-occulte de chez DC. Personnage ambigu et aux racines assez riches, mais franchement difficile à adapter correctement à l'écran. À l'impossible, nul n'est tenu, c'est donc la fleur au fusil que Jim Wynorski se lance dans cette suite fauchée au déjà médiocre film de Wes Craven. Qui me dit pléonasme? Bon, je vous ai déjà dit que j'aime pas Wes Craven. Et ben je vais pas vous dire non plus que j'apprécie Jim Wynorski outre mesure, mais je lui trouve une certaine honnêteté et une patte reconnaissable qui m'a rendu ce film immédiatement sympathique. J'ai craint de me cogner à un AV infect et je me suis retrouvé devant un superbe nanar, une sorte de Toxic Avenger bio. D'ailleurs, il manque sa fiche sur Nanarland, les mecs, faites quelque chose. L'histoire n'a que peu d'importance, elle permet surtout d'enfiler les personnages stéréotypés comme le savant fou, l'homme de main qui est une copie Wish du Che, la gentille bimbo incarnée ici par une toute jeune Heather Locklear, ou encore le scientifique lâche dans des scènes clichés comme l'évasion, la balade dans le bayou, la visite du manoir ou la bataille de Kaiju. Bon, ok, tout ça, c'est ultra bateau. Mais pourtant, j'ai passé un bon moment. Posons-nous la question, pourquoi? Alors, j'ai quelques petites idées. Soit mes attentes sont très basses en ce moment, c'est une possibilité. Soit le rythme agréable, les décors cartoonesques, les SFX en plastique mou, le cadre très comics et les dialogues gentiment cons suffisent à mon plaisir. Et en parlant de dialogue, les voxophiles reconnaîtront le regretté Bruno Duperna, VF notamment de Jigsaw, ou de Neil McDonough, le plus méchant des albinos, mais surtout de The Rock, dans le rôle de la créature du marais. C'est bien simple, j'ai eu autant de plaisir à découvrir ce film que j'en ai eu avec Jack Frost ou avec Toxic Avenger. Comme quoi, même dans les films de super-héros, des fois, il y a du bon. Alors faut un peu creuser, hein, évidemment, mais n'empêche que je vous conseillerais très très largement ce retour de la créature du lagon. Attention, sachez-le, c'est un nanar. Mais c'est un bon nanar. Et ben voilà pour le menu de cette semaine, je crois que ça a été un petit peu indigeste, peut-être que la semaine prochaine on fera du plus digeste et je pense que la semaine prochaine d'ailleurs, notre ami Le Corbeau aura la part belle dans les deux pranks sinon rien. Il me semble qu'il avait envie de parler de Scott Adkins et on va donc lui octroyer une spéciale Scott Adkins. Allez, à la semaine prochaine, salut à tous! La qualité prend du temps, et le plaisir aussi. Galaxy Pop, pas premier sur la régularité, mais viens, on va bien s'entendre.